Bienvenue au podcast de Boulevard Brutal. Alors, c'est le retour du podcast de Boulevard Brutal. On attendait une pandémie pour refaire un épisode. Évidemment, c'était ça le plan depuis un bon bout de temps. On s'était dit, moi et Steve, on va attendre un bon bout. Puis quand que la pandémie va frapper, on va revenir avec un épisode. Donc, Steve est avec moi. Et puis, on est comme Nostradamus, on le savait. Hein? Et on attendait la pandémie, puis bang, on a une. Paf, on recommence les podcasts. Puis là, écoute, moi, ça me fait chaud au cœur de parler à des millions d'auditeurs en ce moment. Non? Ben oui, écoute, nos millions d'auditeurs qui attendaient que ça. Donc, et voilà, vous êtes chez vous en pyjama, en train de vous pogner à la poche ou d'autres choses. Et on va vous entretenir avec un petit podcast. On a une couple de petits sujets intéressants, là. Comment entretenir ton isolement, hein, évidemment, pendant une crise comme ça. Donc, on a quelques petites suggestions musicales de films qui ont rapport au métal et de musique aussi, qui vont pouvoir te permettre là, de passer à travers. On va revenir évidemment sur l'annulation du EV Montréal, parce que là, c'est bien beau. On est chez nous en pyjama, tout ça, on va tous devenir des alcooliques. Mais quand la crise va finir, on va se ramasser avec un printemps qui n'a pas eu de chaud pantoute. Là, ça va être l'été, on va se dire « Oh yes! » Me semble que je prendrais ça un bon EV Montréal. Il n'y en a pas, c'ti. Oui, il n'y en a pas, malheureusement. C'était tellement le fun l'année passée. Ben oui, ça fait qu'on va revenir là-dessus un peu, les raisons de tout ça, puis notre opinion. Puis aussi, on va donner des petits trucs aux gens de Evenco sur comment se relever de cette crise-là. Et de revenir avec un festival 2021 efficace plus que jamais. Hey, on devrait travailler pour Evenco, on lui donne tellement de cute. Hein? Écoute, moi je le dis souvent, donnez-nous le contrôle. T'sais, donnez-nous les clés de la bâtisse, donnez-nous les cartes d'employés, puis tout ça, puis on va tout vous arranger ça, on va mettre ça de rep, là, tu sais. Un vrai festival Boulevard Brutal. Tu merges Evenco Montréal, Boulevard Brutal ensemble, t'as le festival de la mort. Ça serait incroyable. Et étant donné que, comme on vous l'a dit en début d'émission, nous sommes nous-mêmes des Nostradamus, on va vous donner nos prédictions 2020-2021. Parce que là, c'est bien beau, on fait un épisode pendant le coronavirus, mais on le sait pas, là, on va peut-être tous mourir demain, la semaine prochaine. Donc, il faut vous donner tout de suite nos prédictions là, à court et moyen terme. Oui. Donc, on passe ça tout de suite. Donc, là, on est chacun isolé chez nous. Et puis. Je suis tout nu. Oui, ben c'est ça que je vois d'ailleurs. Puis, j'apprécie beaucoup que tu t'es mis tout nu pour ce retour d'épisode. Moi, t'es chez nous, je veux dire, je peux être tout nu. Ben t'as le droit, absolument. Puis, à ce moment-là, c'est. Ben oui, puis on s'attend aussi à ce que Hydro-Québec baisse ses tarifs. Donc, tu vas pouvoir monter le chauffage chez vous, puis être tout nu, dans le fond, tout le temps. Oui, exactement. Ce que nous autres, l'hiver, normalement, devrait être fini au mois de juin. Oui, c'est ça, hein, ouais, j'avoue. Donc là, toi, de ton côté, là, comment se passe ton isolement? Est-ce que tu en as profité pour ressortir soit des documentaires, des albums, des trucs que ça faisait longtemps que tu n'avais pas écouté? Oui, je suis là-dessus en ce moment. J'écoute plein de shows sur YouTube, des vieux shows. Hier soir, j'ai écouté Cannibal Corpse au Bloodstock Festival en 2018. Ça écœure, hein? Écoute, s'il y en a qui veulent le lien, je vais vous l'envoyer. J'ai écouté une grosse partie de ça hier soir. Je ressors des livres. J'ai ressorti ma biographie du chanteur de Ministry. J'ai ressorti la meilleure biographie métal de tous les temps, à mon avis, celle de Rex Brown. Oui. Je pense que tu l'avais lu déjà. Ça, c'est des livres que je repasse souvent. Puis j'ai ressorti mes CD, j'écoute des CD, j'écoute du vieux métal. Hey, j'ai même écouté Roots cette semaine aussi. Oh là là, ouais, tu te lances dans le... Ouais, ben écoute, c'est le temps pour ça, tu sais. Puis là, tu as sorti quelques bonnes suggestions de livres, évidemment. Ben c'est le temps pour ça, hein, on est pogné chez nous. Moi, j'ai ressorti des documentaires, là, j'ai ressorti les documentaires de Sam Dunn. Oui. Headbanger's Journey et puis Global Metal. Deux documentaires qui datent quand même, là. Il y en a un de 2005 puis l'autre de 2007, mais ça vaut la peine de réécouter ça là, n'importe quoi. Ben oui, puis ça peut même te faire découvrir des bands que tu sais, c'est le fun de ces affaires-là. Puis il y a le fameux film sur Lemmy aussi qui est très, très, très, très, très intéressant. Si vous avez jamais vu ça, regardez ça, c'est incroyable. Excellent, excellent documentaire qui est sorti en 2010. Ça va vous rendre extrêmement nostalgique. Tu sais, moi, j'ai la chance de travailler, ce que je fais ça avec le soir. Mais si j'étais pogné chez nous 24 heures sur 24, écoute, je pense que j'ai assez de livres et de disques ici pour pas me tanner pendant un bon deux mois. Ben, tu vois, même, je parlais avec des gens qui doivent travailler de la maison. Il y en a beaucoup qui ben, on n'a pas le choix d'être à la maison, mais qui travaillent quand même à temps plein. Puis ça leur permet d'avoir, mettons, sur leur TV, là, sur le site, ben, ils se mettent un petit documentaire ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, à job, ils ne pouvaient pas le faire. Puis là, ben, ils se mettent ça en background, comme on dit. Puis, ils écoutent ça. Un autre documentaire, ben, pas un documentaire, ben, en fait, un documentaire et ensuite un film. Le documentaire sur le black metal, Until the Light Takes Us, de 2008, qui est excellent. Oui, ça, si t'as pas vu ça, écoute l'île là. Ouais, si t'es un amateur de black metal, évidemment, ça te prend ça. Puis ensuite, moi, un film que j'ai quand même pas détesté, qui est Lord of Chaos, qui est sorti en 2018, dans le fond, qui romance un peu, qui est une histoire, ben, qui est l'histoire, dans le fond, de Mayhem. Puis j'ai quand même trouvé que c'était pas mauvais, tu sais, comme... Moi, j'ai adoré ça. Puis, je m'attendais à n'importe quoi. J'ai adoré ça. Puis même, je suis un gars assez hardcore dans les films que j'écoute. La seule affaire, j'ai trouvé que, tu sais, les 72 couteaux, t'avais, coups de couteau, t'étais pas obligé de toutes les voir, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, il est mené, il dit comme quand il tue le gay dans un parc, écoute, je sais pas combien de coups de couteau qu'il donne, mais tu sais, t'es vois tout, à un moment donné, c'est comme, OK, j'ai compris, là, il poignarde quelqu'un, tu sais, c'est assez. Ouais, ça aurait pu être, évidemment, un peu plus suggéré, puis... Mais c'est évidemment, c'est un film qui a été très, très critiqué dans la scène black metal, puis surtout par les principaux intéressés, donc les gens qui l'ont vécu. Mais tu sais, c'est-tu quoi? C'est pas mal de même dans quasiment tous les documentaires, tu sais. Tu vas regarder le film de Queen, puis il y a plein de monde qui vont sortir pour dire oh, « c'est pas exactement comme ça s'est passé, c'était pas ci, c'était pas ça. » Ce qui était vrai aussi, parce que quand Queen a fait le Live Aid, le band ne savait même pas encore que Freddie Mercury avait le sida. C'est que ça, c'était vraiment romancé. Il les a dit deux ans plus tard. Ouais, c'est ça. Puis il y a plein d'autres petites affaires un peu plus, tu sais, qui ont modifié dans la réalité. Tu sais, à un moment donné, quand t'as Freddie Mercury qui prend un verre de vin puis qui fait comme un chin en regardant sa femme qui est comme l'autre bord de la rue puis il se regarde par la fenêtre, bien, dans la réalité, physiquement, les deux maisons étaient même pas placées comme ça, tu sais. Fait que tu pouvais pas se regarder à travers la fenêtre, tu sais. Ben non, mais tu sais, c'est des détails, tu sais, qui font que des fois qu'un film va mieux marcher cinématographiquement puis que dans la vraie vie, ça s'est pas marché. Mais en tout cas, Lord of Chaos, c'est quand même très bon, très le fun. Plus dans le punk, moi, j'ai écouté avec mon fils la semaine passée, Sid & Nancy. Ah oui, bon choix. Très bon puis choix. Il découvre les Sex Pistols en ce moment puis il a capoté PRM. Nice. Ah, c'est très cool. On peut se lancer aussi dans du vieux matériel si on veut rire un peu. This is Spinal Tap de 1984. Et classique. C'est tellement drôle. Une de mes comédies préférées. Tant qu'à ça, tu peux y aller aussi avec Airheads. Tu te souviens de ce film-là? Ben oui, c'est super bon. C'est vraiment drôle. Puis moi, j'ai entrepris un de mes... c'est un projet, en fait, de vie moi que j'ai depuis 2015. Et c'est finalement de pouvoir écouter dans son entièreté, The Book of Souls de Iron Maiden. Hey, ça, c'est une bonne chose. Je me souviens, on a tellement eu des débats sur cet album-là. Et sérieux, si tu le réécoutes là, ton opinion risque de changer. Probablement. Écoute, ça, c'est un album qui est quand même assez costaud. Là, on parle de 11 chansons pour un total de 92 minutes. Oui. Mais c'est sûr qu'en période d'isolement, notre espace-temps puis notre conception des minutes et des heures est complètement fucked up. Moi, je me suis levé un matin, je me souviens même plus quelle journée qu'on était, là, tu sais. Ouais, c'est sûr que quand tu travailles de la maison, oui, c'est l'effet qu'on... On dirait que t'es dans le temps des fêtes pendant... deux mois. Fait que s'il y a une chose, peut-être que le coronavirus va avoir été positive pour moi personnellement, c'est peut-être de pouvoir finalement avoir réussi à apprécier The Book of Souls. Mais là, tu ne l'apprécies pas encore. Je ne l'apprécie pas encore, moi. C'est un album que je trouve très long, beaucoup trop long. Et puis, c'est un album, je ne sais pas qu'est-ce que cet album-là fait ou me fait pas pour me garder captif, mais je décroche. Je décroche très rapidement l'album. Ben, c'est parce que c'est pas mal toujours sur le même beat. C'est quand même assez prog, là, on s'entend. Hein? Tu sais, moi, j'aime ça. Sérieusement, je l'adore, cet album-là. Mais Je pense que pour le prochain album, il devrait mettre le producer dehors. Là. Ça fait quand même un bout qui est là. Puis, tu sais, les 3-4 derniers albums sonnent bien pareils. Tu sais, maintenant, ça prendrait une différente saveur. Là. J'aimerais ça un retour aux sources à des tunes plus rock, tu sais, des tunes de 3-4 minutes, mais qui vargent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça ferait pas de tort, effectivement. Et puis, moi par exemple, il y a une affaire, un défi que je voulais te lancer parce que moi, ça fait longtemps que je suis aux prises avec ce défi-là d'écouter The Book of Souls au complet. Mais toi, je sais aussi que tu auras un défi personnel. Il faudrait que finalement, tu écoutes l'album 13 de Black Sabbath. Oh, man! Je vais essayer. Écoute, j'ai même écouté Ordinary Man de Ozzy, son dernier album. Ouais. Et je pense que c'est encore plus pénible que 13. Ah ouais, c'est sûr que c'est moins bon. Il y a quelques bonnes tunes quand même sur le dernier de Ozzy que moi j'ai quand même aimé. Pas l'album, mais quelques tunes là. Mais l'album 13, c'est vraiment pas un mauvais album, moi je te dirais. Moi je l'aime beaucoup cet album-là. Moi je l'ai pas pris que ce soit le drummer de Rage Against the Machine qui joue cet album-là. Je suis comme « Why? » Tu sais. Fait que t'as pas checké le DVD de The End, le dernier show qu'ils ont fait à Birmingham? Non, fuck out. C'est un esti de bon show, mon gars. Je l'ai réécouté 3-4 fois depuis que j'ai le Blu-ray. Là. C'est tout un spectacle. Mais non, c'est pas vrai. Je l'ai vu. Je l'ai vu quand je... Oui, c'est vrai. Je l'ai vu il y a 2 ans. J'avais été surpris. C'est solide, là. T'sais, c'est, j'étais c'est surpris. Solide, là. J'avais pogné ça live à la TV. Je sais plus trop ce qu'elle passe. Il passait live. Puis j'avais été vraiment surpris parce que c'était la seule manière que j'aurais pu l'écouter. Tu sais, je ne l'achèterais jamais. Mais j'ai vu ça live. J'étais comme, wow, OK, c'est surprenant. C'est sûr que c'est overdubbé à mort. Tu sais, tous les albums live que Ozzy a fait, peut-être à part Tribute, parce que c'était vraiment un hommage à Randy Rhoads, puis c'était pas censé être un album qui allait sortir. Mais pour le reste, écoute, tous ces albums, c'est overdubbé. Cet album-là, live, c'est overdubbé à mort. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ozzy, il chante pas de même. Ben non. Moi, la dernière fois que j'ai vu au Centre Bell, ça fait quand même plusieurs années, là, Jason Newsted, il jouait pour son band. Oui, j'ai vu ça. Puis il avait fait aussi la première partie avec Voivode. Oui. Puis même si j'avais été content de voir Ozzy, parce qu'il faut en profiter de ces personnages-là pendant qu'ils sont encore vivants, tu sais. Un personnage, d'ailleurs, qui pourrait pogner le coronavirus à tout moment. Christ, mais on pourrait le perdre, là, ce monsieur-là. Mais écoute, il y en a des vieux dans le métal. Là. Il y en a plusieurs. Ben c'est ça, tu sais. Mais admettons, là, parce que là, puis tu sais, on veut pas dramatiser plus qu'il faut. Là. Tout le monde vit ça un peu dans la misère. Puis d'ailleurs, je vous souhaite tous d'avoir une bonne réserve de papier de toilette. Mais... Mais tu sais, vite de même, là... Tu sais, des icônes du métal qu'on pourrait perdre, tu sais, des Rob Halford, des Tony Iommi, Ozzy, des vieux messieurs, là, de 70 ans passés, il y en a une maudite gang. Toute la gang de Saxon, écoute, toutes les... Anvil, ils doivent être proches de 70, tu sais, ils sont vieux, là, ces gars-là. Ouais, puis tu sais, il y en a là-dedans que tu me parlais justement tantôt avant qu'on commence le show, que c'était, je pense, le drummer de Death Angel, là, qu'il allait pas bien. Oui, apparemment, en fait, c'est Gary Holt d'Exodus qui disait cette semaine que lui avait tous les symptômes du coronavirus, qui attendait les tests, mais ils reviennent de tourner en Europe, ils ont tourné avec Exodus, c'est Exodus Death Angel Testament, ils reviennent d'Europe, je pense que la tournée s'est terminée pour 2 semaines, et puis apparemment, Carol, le drummer de Death Angel, est vraiment en mauvaise position, ils n'ont pas dit que c'était à cause du coronavirus. Mais écoute, ils disent d'envoyer les best wishes. Dans ce temps-là, là, ça veut dire qu'ils quasiment sont au lit de mort. Et Colin. Ouais. Ben, c'est toute une machine en passant, ce gars-là. Oui, oui, tout un drummer, ça. Ben, tu sais, c'est ça. C'est que là, ça va frapper tout le monde, puis ça regardera pas aucune classe sociale, puis que tu sois musicien. Écoute, on va perdre des icônes, là. Faut s'y attendre, tu sais, ça va arriver. Fait que là mettons, tu sais, on se dit. Parce que là, tous les spectacles ont été annulés, évidemment, pour des raisons qu'on comprend tout le monde. Mais selon toi, là, ça va être quoi l'après? Tu sais, quand on va sortir de ça, puis que là, tout d'un coup, là, les bands vont recommencer à nous envoyer des invitations de dire telle date de spectacle, telle date, on est dans votre ville, venez nous voir. Penses-tu que les gens vont être un peu, tu sais, un peu ses dents, là, d'aller se remettre dans le public ou si les affaires vont reprendre. Parce que, tu sais, je me rappelle, moi, après le 11 septembre, il y a bien du monde qui disait « Hé, Chris, ça va prendre un bout avec le monde à reprendre l'avion. » Finalement, les gens ont repris l'avion. Il y a eu une petite descente, puis ça a repris. Puis je me souviens aussi, quand il y a eu la tuerie au Bataclan, le monde se sont dit « Ah, sacrement, ça va être vide dans les salles de spectacle partout. » Puis finalement, regarde, la vie a repris. Quand Dimebag Darrell s'est fait tuer? Ben, tu sais, ça crée comme des commotions. Tu sais, c'est sûr que là, c'est des fous, puis c'est des gens, c'est des événements isolés. C'est pas la même chose qu'un virus. Mais selon toi, est-ce que les gens vont retourner voir des spectacles quand ça va être fini? Moi, je pense que oui. Mais ça prend quoi, 21 jours pour créer des nouvelles habitudes? Là, on vit un moment en ce moment que totalement historique. On ne sait pas quand est-ce que ça va vraiment se terminer. Apparemment, la Chine, ça va mieux, là, mais j'ai de la misère à croire ça, parce que c'est la Chine. Mais moi, je me dis qu'il n'y aura probablement pas de show cet été. La Terre va continuer de tourner, puis à un moment donné, les shows vont reprendre, probablement début 2021. Est-ce qu'il va y avoir des habitudes de changer? Les gens vont peut-être se tenir moins proches. Je pense qu'au niveau... comment je te dirais ça? Se laver les mains, ça va devenir vraiment de quoi? Je pense que le monde va focusser là-dessus pas mal, là, au niveau de l'hygiène. De l'hygiène corporelle, vraiment. Là, d'essayer de ne pas protéger de ma... de ne pas propager de maladies, tout ça. Est-ce que ça va revenir? À mon avis, oui. Ça va revenir probablement tranquillement. Puis le monde, maintenant, ça va tellement vite, le monde oublie vite aussi. Ouais, c'est vrai, ça. Mais ce qui ne sera pas une mauvaise chose, en fait, qu'il y a certaines personnes qui commencent à avoir des meilleures habitudes d'hygiène. Tu sais, t'as du bon, esti, qui vont pisser puis qui ne se lavent même pas les mains en sortant, là, tu sais. Ah, déjà, ça serait déjà un bon début, là, tu sais, quand tu t'en vas. Comme je disais à Job cette semaine, tu sais, attends pas que tes doigts puent avant de te laver. C'est ça, tu sais. Fait que là, on va avoir monté comme à l'extrême où ce que là, tu te laves les mains à chaque 2 minutes parce que tu veux pas, tu sais, avoir de virus pis ça. Mais c'est toujours une bonne chose à prendre. Peut-être que ça va être la fin des mosh pits aussi dans les spectacles métal. Tu sais, les gens vont peut-être se garder une petite distance, plus de camaraderie, plus de mosh pits. On ne sait pas. Ben, si t'en faisais un la semaine prochaine, c'est sûr qu'il n'y aurait pas. Mais je me dis, au rythme où le monde oublie, ça risque de recommencer. Puis tu sais, c'est quand même le fun de voir un mosh pit, personnellement. Ben oui. Pis... J'en parle pas dedans, là, mais j'aime ça voir ça. Ben moi, j'avais peut-être une petite solution, tu sais, surtout pour les grands organisateurs de spectacles dont je parle, évidemment, tu sais, Evenco puis tout ça. Moi, ce que je ferais quand la poussière va avoir retombé, c'est que j'organiserais seulement des spectacles dans des endroits où il y a des places assises, comme au Centre Bell, Centre Vidéotron, des endroits comme ça. Puis là, tu vends juste un banc sur deux ou un banc sur trois. Tu sais? Oh! Fait que là, ben, tu forces à garder une petite distance. Puis en plus de ça, pour le Centre Vidéotron, ça changera fuck all parce qu'ils vendent déjà un banc sur trois. Fait que ça va être. business as usual. Puis étant donné qu'à cette heure, dans ces shows-là, sur le parterre, ils crissent des bancs, de toute façon. Oui. Fait que un banc sur deux ou un banc sur trois. Puis là, ben, ça te fait quelque chose d'un peu clairsemé, mais Chris, au moins, le monde va être en sécurité. Ça pourrait être une solution, ça. Écoute, la dernière fois que j'étais allé au Centre Vidéotron, j'étais allé voir Priest puis Deep Purple. Puis c'était, il y avait vraiment des chaises. C'est que, puis c'était pas plein. C'est ça qui était agréable. Tu sais, t'avais une distance sur le parterre. Tu sais, t'étais pas vraiment collé. Puis écoute, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Il faudrait juste pas augmenter le nombre de billets, le montant des billets vendus, mais je trouve que c'est une maudite bonne idée, ça, se séparer comme ça. Écoute, c'est safe. Là. Ça va être difficile pour eux autres de pas augmenter le prix des billets parce que c'est une tendance en ce moment. As-tu vu le prix des billets dernièrement? Ça a plus de crise de bon sens, c'est-tu? Ben écoute, je vais plus en voir des shows, moi. Je voulais avoir Kiss, ma blonde n'avait jamais vu Kiss. Je suis comme, regarde. Le prix des billets était ridicule. Quelle autre tournée que je voulais? Ah, je voulais aller voir, c'était qui? Foreigner, je pense, qui vient au Centre Vidéotron. Puis, tu sais, Journey, excuse. Puis, ma blonde voulait voir absolument. Quand on a vu les prix des billets, fuck off. C'est pas vrai que je vais payer ça pour Ben nostalgie, là, tu sais. Ben écoute, même Tool, je sais pas si t'as vu, c'était triste, Tool, la vente des billets à Québec. Tabarouette, mon gars, au centre Vidéotron, ça avait aucun sens. Tu sais, le band s'en venait, là, c'était très, très prochainement. Il restait tellement de billets, là, ça avait pas de sens. C'était beaucoup trop cher, beaucoup trop cher. Ben oui. Quel autre qui... Ah, Roger Waters au centre Vidéotron, ils ont vendu le pit. Ouais. Mais il y a personne en bas. Tabarnak, man. Parce que le pit n'est pas cher, c'est comme 85$, je pense, qui est quand même pas pire. Mais en bas, ça va jusqu'à 400-500$. Fait que là, tu sais, ils ont vendu le pit. C'est complètement ridicule. Tu sais, Roger Waters, je comprends. Je pense que c'est assez. Là, tu sais, on le sait, ton père est à la guerre, il est mort, t'haï Donald Trump, tu sais, c'est ça. Qui... on le sait tout. Là, reste chez vous. Pis, moi, j'ai aucun intérêt à aller voir Roger Waters, sérieusement. Donne un Christy Show encore, par exemple. La valeur de production est incroyable. Pis, Je comprends ça, mais tu sais, another break in the wall, là, get over it. Puis, tu sais, l'autre affaire aussi qui commence à être vraiment tannante, c'est l'espèce de... Tu sais, il augmente le prix des billets au fur et à mesure où la vente elle augmente. Là, c'est un petit peu comme quand tu veux prendre un taxi Uber puis qu'il y a bien de la demande, là, ça, les rates augmentent. Exact. Ouais, c'est rendu frustrant en esti, ça. Tu rentres dans le... Tu t'en vas sur la page de l'événement sur Facebook, tu cliques sur le lien pour acheter des billets. Première affaire, t'as un pop-up te disant que le prix des billets va fluctuer selon la demande. Évidemment, si tu arrives, tu essaies de te pogner un billet, il est rendu à 368$. Hey, tabarnak, wow! Un bon français là, qui mange la merde. Tu sais, moi, en tout cas, je trouve ça ridicule. J'aime autant m'acheter comme EV Montréal, exemple. Tu achètes une passe la fin de semaine. Tu passes une belle fin de semaine, puis ça va être ta fin de semaine de show de l'année. Moi, je trouve ça ridicule. Je vais avoir souvent des petits shows métal ici. Là, ça me coûte 15$. J'encourage les bandes, puis c'est ça que je fais. Ben, c'est pas mal toujours la réponse de... Tu sais, on en a parlé souvent sur la page Facebook de Boulevard Brutal. Puis souvent, les gens reviennent toujours avec le même constat de dire « Arrêtez de voir des gros Christy d'artistes qui vendent ça overpriced. » Parce que là, évidemment, tu sais, à un moment donné, toute l'industrie de la musique, on a tout shifté vers... On a tout accepté, tout le monde, qu'on ne vende plus des albums puis qu'on fasse l'argent avec les spectacles. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les artistes? Ils augmentent les prix, ils augmentent les prix. Oui. Il y a des spectacles qui en valent peut-être la peine parce que c'est une espèce de once in a lifetime. Tu sais, tu veux voir l'artiste, ton artiste préféré. Mais tu sais, sinon, il y a des artistes, ça vaut vraiment pas la peine. Fait que le monde dise, allez voir des petits shows, allez encourager l'underground. Puis c'est vrai, tu sais, c'est... Ben oui, puis pogne-toi un chandail à 15-20$, tu sais, achète l'album, whatever, tu sais, ta veillée va te coûter 10 fois moins cher, puis tu vas avoir autant de fun. Oui, puis il y a dans ces spectacles-là, même avant le coronavirus, qu'il n'y avait crissement pas de danger d'attraper de quoi, parce que moi, je suis allé dans des salles, là, des fois, il y avait une vingtaine de personnes, 30 personnes au maximum, c'était triste un petit peu, là, tu sais. Ah oui, ici aussi, ça arrive, tu sais. Ben, il y a de plus en plus de spectacles, en même temps, l'offre est tellement... L'offre est de plus en plus grande, les gens sont difficiles à sortir de la maison, ils sont, tu sais, c'est rendu tough. Fait que je sais pas qu'est-ce que va avoir l'air l'après, mais en tout cas, on verra que ça va avoir l'air. Puis t'as fait un beau petit, segment, un beau petit bridge vers le prochain sujet tantôt quand t'as dit t'as montant payé pour aller voir le EV Montréal, parce que EV Montréal, on va se le dire, c'était quand ça restait encore un prix très abordable pour passer une fin de semaine. Puis là, ben une autre annulation, la troisième, dans le fond, on parle d'une pause, disons-le comme ça, une troisième pause. Avec toutes les shows qui s'en venaient, je comprenais la pause. Là, il l'avait fait en 2009 qu'il avait... 2009, oui, la deuxième année. Le festival est né en 2008, puis direct la deuxième année, il y a eu une pause. Exactement. Moi, j'avais vu 2008. Puis c'est ça, 2009, j'étais pas allé. Puis là, on a encore un autre... Il y a eu une pause en quoi, 2017, exactement. Fait que... Mais tu sais, si c'est pour mieux revenir, moi, j'ai adoré la dernière version avec les petites scènes, les scènes dans le bois, c'était carrément débile. Ouais, c'était vraiment... C'était super agréable. C'est difficile, hein? C'est rendu vraiment, vraiment tough, on dirait, pour l'EV Montréal. On dirait que c'est... Damn if you do, damn if you don't, là, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour revenir avec quelque chose qui qui va les satisfaire au niveau de l'achalandage ou s'ils ont un désir que l'achalandage soit plus grand. Parce que tu vois, moi, j'ai fait un petit calcul avec les chiffres d'achalandage, puis c'est pas des chiffres qui sont gonflés comme le Rockfest, là, avec du 200 000, là. Ah ouais. C'est les vrais chiffres. Fait que c'est pas des entrées-visites, c'est réellement des réels festivaliers qui étaient sur place. Depuis 2008, l'achalandage moyen, là, c'est 39 000 personnes pour les deux jours. OK. En 2008, la soirée qu'il y avait eu Maiden, je pense qu'il y avait eu 25 000, si je me trompe pas. Ouais. L'année 2008, j'ai eu un petit peu plus de difficulté d'obtenir les chiffres véritables. Moi, j'étais à du 35 000 plus pour toute la fin de semaine, fait que ça aurait du bon sens. Mais tu sais, ça a vraiment fluctué. T'sais, tu vois, 35 000, après ça, il y a eu une pause, après ça, son revenu, 41 000, après ça, 33, après ça, 40, 38. Là, l'année de Metallica, ils ont tapé le 75 000 pour les deux jours. C'est ça qui arrive. T'sais, c'est le gros nom. C'est les deux headliners qui vendent le show. Hein? Ouais. Puis je trouve que les festivaliers puis les gens qui vont voir des spectacles, à cette heure, le contexte est rendu tellement... C'est difficile parce qu'il y a eu des années où tu avais des headliners comme Rob Zombie, tu sais, Korn. Marilyn Manson. Ouais, qui ont eu quand même des super bonnes années. Puis il y a eu après ça des années comme, tu sais, en 2018, là. Hey, en 2018, man, il y a eu 27 000 personnes. Ça a été la pire année. Oui. En retour de pause. Imagine, il y a eu une pause pendant un an. Tu reviens, t'es supposé que le monde soit excité puis qu'il se soit ennuyé. Puis Oshiaga avait scarré Fourette en plus, je pense, cette année-là. Ben oui, puis en 2018, écoute, t'avais une exclusivité comme Hamperer qui était là. Bon, Limp Bizkit, ça marchait pas, les Wood Undead, tout ça. Ben, ça plaisait à un certain nombre de personnes, mais tu sais, t'avais quand même Manson, Zombie, tu sais, t'avais des... C'était une programmation du EV Montréal qui était somme toute assez en ligne. Quand même, satisfaisant, moi je te dirais. Puis ça n'a pas scoré plus qu'il faut. Puis tu vois, la dernière année, en 2019, 33 600 pour les deux jours. Moi, ça me donne comme le feeling qu'au niveau de la haute organisation chez Evenco, j'ai comme pas l'impression que ce festival-là est encore dans leur priorité. Ça va dépendre vraiment de qu'est-ce qui va se passer avec leur festival cette année. Tu sais, comme s'ils ont lieu, là, tu sais, avec le festival Country, puis Oshiaga, puis Hillsonic, à cette heure qui est rendu quasiment sold out, là, tu sais. Ouais, le Festival Country, j'ai bien hâte de voir. Ben, il y a beaucoup, beaucoup d'amateurs country au Québec. Ça rejoint beaucoup de monde. Puis je pense qu'il y a peut-être des gens là-dedans qui sont un petit peu plus aptes à voyager ou à dépenser peut-être un peu plus de sous. Je sais pas, c'est peut-être juste un feeling, là. Ben, moi, en tout cas, s'ils sont capables d'avoir Chris Stapleton, je vais être là. Non. Ben, moi, moi le seul headliner que je voulais, c'était Fidèle Lachance, mais regarde, il est pas achetable. Ah, là, il demande bien trop. Ben oui, il demande bien trop. Mais si toi, justement, là, je te lance ça, mettons, de façon très hypothétique, mettons, là, t'es le capitaine du bateau du EV Montréal. On dit, Steve, on est dans une période de coronavirus, tout le monde se pogne la poche au bureau. Enferme-toi, là, avec un téléphone, puis fais des téléphones pour nous monter un festival 2021 qui va faire bander le monde. Eh, hey, monsieur. Qu'est-ce que tu fais comme appel pour ramener ça sur la track? C'est pas obligé d'être des affaires super originales, mais que tu te dis, Chris, on va en vendre des billets. Je pense qu'il y a qu'un nom qui peut faire vendre des billets, c'est ainsi, puis c'est Metallica. Ouais, c'est plate. Mais tu sais, je les aime. Ils seraient là, j'irais, c'est sûr. Mais Metallica, Maiden... Tu sais, c'est toujours des noms qui vont attirer du monde. Priest, qui était censé faire le tournée 50e anniversaire. Ça aurait été super intéressant. Écoute, moi, au EV Montréal, j'étais un gars de petite scène, plutôt, moi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, l'année passée, il y avait des Watain de ce monde, il y avait des voir ça dans moi, ça m'a fait capoter de voir ça dans le bois. Mais pour des gros headliners, tu sais, ça prend du black metal aussi. Ça en prend plus que ça. Tu sais, on a eu Abbott, on a eu Emperor, tu sais, on a eu Watain, mais tu sais, ça va prendre Mayhem, ça va prendre, tu sais, essayer de couvrir le plus possible. Mais comme tu dis, ça va survenir. Tu sais, Je me pose beaucoup de questions ces temps-ci là-dessus. Ouais. C'est pas évident. Tu sais, mettons qu'on fait toute abstraction, mettons, tu sais, du coronavirus puis toutes ces affaires-là, mais c'est vraiment tough parce que quand tu regardes la totalité des groupes qui ont été invités à ce festival-là depuis 2008, ils ont quasiment tout passé là, au festival. Oui. Les gros bands, ils ont quasiment tout passé. Ils n'ont pas tout passé en même temps. Ils ont passé, tu sais, bon, Maiden est venu, Metallica est venu, Slayer est venu, Megadeth, name it. Il y a Tool qui l'a pas fait. Il y a Tool qui n'a pas été là, mais en même temps, Tool, tu sais, ils sont revenus là, Tool, puis gars, tu vois, ils ont eu de la misère à vendre des billets au Centre Vidéotron à Québec. Ah oui, System of a Down, on l'avait fait aussi, je pense, une fois. Ça se peut-tu, là? Oui, System of a Down sont venus. Ça a l'air, c'était très mauvais. T'étais-tu là, toi? Oui, j'étais là. Ouais, j'avais ça a l'air, c'était vraiment mauvais. Oui, j'avais pas trippé tant que ça, puis si je me rappelle bien, ça, c'est l'année où Battlecross jouait en même temps sur une petite scène dans la forêt. Ah, je pense que oui. Puis là, on avait été voir Battlecross, puis là, là, écoute, il y a des gens qui avaient pogné de quoi, ils avaient découvert Battlecross dans le bois, puis ça avait été incroyable. Moi, j'avais commencé à écouter le set de System of a Down, juste pour voir un peu de quoi ça avait l'air, puis après une couple de chansons, on était bougé à Battlecross, puis on avait trippé bien raide, parce qu'on était déjà des gros fans de ce band-là. Oui, mais ça... C'est un très bon band. On n'entend plus beaucoup parler, d'ailleurs. Et non. Et sont-ils encore ensemble? J'ai aucune idée. Je sais pas si... qu'est-ce qui se passe avec eux autres. On va checker ça. Fait qu'en tout cas, moi, évidemment, c'est ça. Je te rejoins... parce que là, ça te prend des gros headliners si tu veux attirer du monde, si tu veux assurer la rentabilité de l'événement. C'est Ghost t'a pas attiré tant que ça. Bien, en fait, il était venu peut-être 5 mois avant à Laval. D'ailleurs, j'ai une confession à te faire. Vas-y. Tu sais comment que je suis un fan de Ghost? Ben oui, je sais. Écoute, on est allé avec Mme Cocoon. C'était incroyable. On est parti à Laval. Ben, ouais. Je la salue, d'ailleurs. Oui, elle est en pleine forme. Là. J'espère qu'elle... Mais chez eux, elle sort pas. Je conseille pas. Sinon, elle va mourir. Mais s'il y en a une qui pourrait tuer le coronavirus, c'est bien elle, tu sais. Oui, elle a des pouvoirs spéciaux, elle, dans ses... dans son... Mais dans tu... dans ses mais culottes. Je continue dans mes confidences. J'ai jamais réécouté une toune de Ghost depuis le show de Laval. Ah ouais? Comment ça? On dirait que ce soir-là, j'ai pogné comme une écœurantite de Ghost. J'ai pas remis un album de Ghost chez nous depuis ce temps-là. Au EV Montréal, j'étais là après 2-3 tunes, j'ai sacré mon camp, j'étais plus capable. Ah ouais? OK. Et je sais pas, ça va peut-être me repogner dans 10 ans, là, mais... C'est, là, je suis 9 overdose de Ghost bien raide. OK. Ouais, je peux comprendre un peu ton feeling. Hein? C'est un groupe qui, quand même, quand il est arrivé au début, c'était un groupe très obscur, qui ramenait des sonorités que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu. C'était vintage, c'était mystérieux, puis tout ça. Puis ils ont tellement... Tu sais, ça a tellement eu un gros splash dans le marché. On en a tellement écouté, en tout cas, pour certaines personnes. Ouais, pour moi, entre autres, oui. Que là, ouais, mais je savais pas ça que... D'après moi, c'est madame... D'après moi, c'est... Parce que toi, à un moment donné, t'es allé dans les toilettes avec Madame Cocoon. D'après moi, c'est ça, là. Ouais, écoute, on est devenu intime, hein? D'après moi, tu t'en es jamais remis de ça, puis... c'est ce qui fait que tu veux pas réécouter du Ghost parce que tu veux pas te remémorer les images que t'as vues ce soir-là. Ben écoute, je sais pas, je suis comme écœuré ben raide. Tu sais, je vois... Le seul album que je réécouterais, ce serait le premier. Ouais, c'est drôle, je l'ai réécouté... écoute, je l'ai réécouté dans son entièreté comme 2-3 fois de suite, il y a peut-être 2-3 semaines. C'est drôle que tu dis ça, c'est un drôle de timing. On dirait que j'avais besoin de cet album-là. Ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté, il me manquait. Tellement bon. Sérieusement. Fait que là, toi, t'as pas été excité plus qu'il faut avec le couronnement, dans le fond, de Papa Emeritus IV, là. Là, on roule dans les mêmes affaires en salle. Ben oui. Mais il a quand même bien orchestré son affaire, hein, parce que le petit Tobias, il a bien prévu son agenda de spectacle, hein. Dernier spectacle, le 3 mars à Mexico. Hey, comme t'as dit cette semaine, il l'avait prévu. Il avait tout vu se venir, puis il s'est dit, garde, on va régler ça. 3 mars à Mexico, puis c'est un des derniers endroits, justement, où ils tiennent encore des spectacles. Il y a eu un festival de musique dernièrement. Ah oui, avec Guns N' Roses qui a joué devant 60 000 personnes. Sacrement, man, ce monde-là, ils voient pas ça venir encore pantoute, hein. Eux autres, ils vont être frappés par le coronavirus, man, ils verront pas ça venir, man. Paf! En même temps, je me disais, il aurait dû canceller le show, Chris. Hey, c'est quoi, c'est dans le pic, là, quand ça a commencé, là, quoi, deux semaines, le jeudi, vendredi, où est-ce que ça a vraiment monté, là? Je pense que c'est là qu'ils ont joué. Ben oui, puis il y avait... Il y a Deadly Apples aussi, le groupe d'Alex Martel qui a joué là. Ah ouais? Oui. Non. Pas de commentaire. Non, mais le festival... Ouais, mais ça m'a surpris, est-ce que le festival, justement, roule ça comme si de rien n'était. Je sais pas, on dirait peut-être qu'il se pense encore bien loin de cette réalité-là. J'ai pas vu les statistiques là, dans le pays, comment ils étaient frappés, mais... J'ai l'impression que ça va les attendre dans le détour, ça, là. Tu sais, je pense que ça dure comme 28 jours avant de, en incubation, avant de se... En tout cas. Chris, man. Faudrait pas aussi que tous les gars de Guns N' Roses meurent du coronavirus à cause de ce spectacle-là, puis ça serait une catastrophe. Ah! Tu sais, mais, en tout cas, aussi, attendre, il y a des icônes qui vont mourir. Nice. Be prepared. C'est sûr. Écoute, moi, là, tu parles d'icône qui va mourir, justement, là. Puis là, je veux pas qu'on se parte un pool de tout ça, mais j'ai quelques petites prédictions. Ben, pas des prédictions, mais disons prédictions 2020-2021. OK. Tenons compte du contexte un peu incertain, puis tout ça, tu sais. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un bon moment pour que Slayer fasse un retour? Je pense pas que ça va arriver, mais la grosse rumeur en ce moment est... C'est qui a sorti ça? C'est Paul Bostaff qui a sorti ça, je pense, à matin ou hier. Le drummer de Slayer. Il y a un band avec Kerry King. Mm-hmm. Et apparemment, la rumeur, parce qu'il y en a qui disaient que c'est Gary Holt qui était l'autre guitariste, mais lui, il a dit qu'il n'était pas dans le projet. Mais apparemment, c'est Phil Anselmo qui chanterait dans ce band-là. Ah, ouais. Ouais. Fait que s'il y a un band qui risque de sauver le métal, c'est ce band-là. Oh my God! Ben, musicalement, moi, je pense que t'as encore ces gars-là sont encore capables d'en donner. Phil Anselmo, je sais pas, sur une longue run, ça va avoir l'air de quoi, là, à moins que ça change. T'sais... Mais son set de Pantera qu'il faisait récemment, c'était bon. Hein? Ouais, ça avait quand même du bon sens. Ben, il s'est remis un peu en forme, là. Je pense qu'il... Ben, il avait perdu comme 40 livres, là. Il a dû en reprendre peut-être 20. Là. Ouais. Il a repris la badaine un peu, mais on dirait que sa voix s'est améliorée d'un sens. Là. Il fait plus rien que... Il est capable de chanter un petit peu. À mon avis, moi, l'autre guitariste, c'est Zakk Wylde. Ah ouais? Ouais. Moi, je pense que c'est ça, le super groupe qui s'en vient. Là. Ça va être Kerry King, Zakk Wylde, Paul Bostaff, puis Phil Anselmo. Tabarnak, man. Ouais, ça va... Si les compositions et la musique est bonne, ça va marcher fort, c'est sûr. Oui, parce qu'on se souvient tous de Rockstar Supernova. Hein? Oui, c'est ça. T'as des affaires dans même, des fois, qui voient le jour, puis finalement, ça marche jamais. Puis sur papier, c'est une bonne idée, puis après ça, ça marche pas. Ou le fameux band avec Ted Nugent, puis Scott Ian, puis Sebastian Bach de Skid Row. Tabarnak, je m'en rappelle pas de ça, ça fait longtemps. Il y avait eu un reality show là-dessus. Il s'appelait Democracy. Ah ouais. C'était mauvais, mon nom. Il y avait Jason Bonham qui est au drum là-dessus. Puis le bassman, c'est qui, est-ce? Ah, c'est le gars de Biohazard. Ah ouais. Ah, y a, ouais. Okay. C'est lui qui fait de la porn. Oui. Il devrait repasser ce show-là. Tu sais, des fois, on aime ça des replays quand on est tout seul à la maison, rien faire. Alors, repasser ce show-là, c'était sur VH1, c'était débile. D'ailleurs, puis là, une autre petite question comme ça en rafale. J'ai vu ce matin dans les nouvelles là, que Kirk Hammett en profite là, de cette période d'isolement-là. Il est en train d'écrire un paquet de riffs, lui-là, là, pour le prochain album. J'espère qu'un autre cellulaire a backup. Il s'est grillé de tout ce qu'il faut pour pouvoir backupper. Mais est-ce que tu penses qu'on est à la veille de voir la retraite de Metallica? Ben, j'ai vu les dernières déclarations de James Hetfield, puis on dirait que je suis pas sous. Non. Tu sais, il a l'air d'être revenu dark en asti, je sais pas, non? Oui, qui disait qu'ils prenaient ça comme une chose à la fois, puis que là, il y avait des. Ils ont annulé. Ben là, de toute façon, les festivals dans lesquels ils étaient censés jouer, probablement qu'ils auraient été annulés de toute façon, mais il y avait comme des engagements par rapport à ses traitements là, pour la fin de semaine, des choses-là. Exactement, tu sais, c'est Some Kind of Monster 2. Ouais. Ben, c'est pas évident, hein, tu sais, traiter l'alcoolisme. Puis ça, on disait ça en blague tantôt qu'après le coronavirus, on va sûrement avoir un fort taux d'alcoolisme. T'sais, on est chez nous, puis on bouille. On essaie de se divertir comme on peut. De se divertir comme on peut, exactement. Mais ceux qui sont pris avec ça, réellement, cette maladie-là, qui est vraiment pas facile à faire disparaître, comme pour James Hetfield, ça a été une rechute. Là, on parle quand même, il a quand même fait une longue run. Là, Some Kind of Monster, c'est quoi? C'est 2004 que ça a sorti, mais ça... Ben ouais, moi, ça m'a étonné quand j'ai su ça. Il me semble que... On le voyait tout le temps sur le stage, les deux bras dans les airs. Are you alive? tu disais, ce gars-là, il est plus fort que toi. T'sais. Ouais. Puis bang, il retombe là-dedans. Ça m'a vraiment surpris. Ça. Mais moi, c'est drôle, hein, dans les dernières photos qu'on voyait de lui avant qu'il reparte en rehab, puis dans les dernières performances, son look, je trouvais sa façon de. Tu sais, il était revenu avec la moustache, les cheveux longs, puis il était revenu un peu. On dirait qu'il y avait un petit peu plus de hanger, un petit peu dans lui, là. Oui, c'est vrai. Puis on dirait que j'essayais de me faire croire, ah, Chris est revenu, il se l'est redonné, mais on dirait que je savais, tu sais, qu'il était tombé un peu dans ses démons. Je sais pas pourquoi, c'est un feeling. D'après moi, j'ai une connexion avec James Hetfield. Ben, en tout cas, moi, je l'aimais mieux quand il buvait, là, mais ça, c'est 5 mois. Ouais, c'est ça. Alors, on va voir s'ils vont continuer. Écoute, une autre affaire là, qu'il faut tenir en compte, parce que ça, c'est une des choses qui était de plus en plus populaire, c'était les croisières musicales. Hein. Ah, ça, oublie ça, je pense. Tu sais, les croisières métal, il y en avait une de Slipknot qui s'en vient, il y en a plein oui. Là, qui partaient là-dessus. Là. C'était un beau concept là, de partir en croisière dans le sud et voir les spectacles. Eh oui, il y en a tellement. Il y avait Yes aussi qui était censé partir, je pense, cette semaine avec le Cruise to the Edge a été évidemment cancellé. Mais ça, je pense que ça reviendra plus. Honnêtement, là, hey, si la merde pogne sur le bateau, là, c'est non. Ouais, c'est ça, hein. Fait que plus de croisière métal, peut-être même plus de croisière de façon générale, mais les croisières métal, ça va l'air être quand même assez bon. Moi, c'était un de mes projets de. Moi aussi. C'était sur mon bucket list, moi, de faire une croisière métal à un moment donné. Moi aussi. Il y avait tellement des intéressantes. 70,000 tons of metal, tout ça, ça avait tellement l'air le fun, tu sais. Mais ça peut exister encore, mais moi, j'irais pas. Ouais, j'avoue, hein, comme tu dis, t'arrives là, la marde pogne, puis c'est moins tentant un peu. Ouais, puis tu sais, c'est cher aussi, parce que tu sais, tu te rends à Miami, après ça, tu sais, c'est quand même. C'est pas évident. C'est sûr que c'est pas mal de sous, c'est pas mal de sous. Hey, écoute! Là, on gâte nos fans, tu sais, puis on se gâte aussi un peu nous-mêmes en refaisant un podcast après autant de temps. Mais là, on peut pas finir sur une note aussi négative, ouais. Tu sais, de la maladie, les croisières qui seront plus là, Metallica qui va peut-être prendre sa retraite, Chris. Et trouvons une façon de mettre un peu de positif dans la vie des gens, tu sais. Ouais. Donne-nous là une bonne raison. De reconnecter avec le métal, puis de... Moi, là, je vais te faire une prédiction. Dans des temps sombres comme ça, puis dans des moments d'isolement, mm-hmm. De façon naturelle, ça a toujours créé des métallus. Oui, absolument. Tu sais? Ça, c'est vrai. Parce que il y a beaucoup de métallus qui sont devenus justement des métallus parce qu'ils se sentaient isolés par... leur famille, les amis, tout ça. Puis ils se sont isolés eux-mêmes, puis ils sont rentrés dans la musique, puis ils sont rentrés un peu dans cette noirceur-là qui leur a permis de devenir des métalleux. Moi, je vais te faire une prédiction. J'ai comme l'impression, parce que le métal, le rock en général, on dit beaucoup, tu sais, rock is dead, puis tout ça. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Non. Mais j'ai l'impression qu'on va peut-être voir une nouvelle génération de métalleux, des gens qui vont ressortir de chez eux avec un une espèce de désir de consommer du métal. Ben écoute, quand on est confiné comme ça, les enfants sont confinés aussi. Et puis, il y a sûrement des parents métalleux qui nous écoutent, qui trippent sur le métal, tout ça. Donc, automatiquement, les enfants vont entendre ça. Puis, écoute, moi, je pense que ça va créer une nouvelle génération de métalleux aussi. Tu portes un chandail de Midnight. S'il y a un band qu'il faut découvrir en ce moment, si t'es pas déjà dans le train, hey, écoute ça. Hein. Je parle de Butcher. Je parle de « Regarde les hommes tombés ». Je parle à « Serpent noir » que je capote là-dessus en ce moment. Écoute, c'est l'occasion rêvée de découvrir le métal. Puis tant qu'à ça, si tu connais pas le métal, t'as le goût de t'intéresser. Commence par les premiers albums de Black Sabbath. Commence par les premiers albums de Maiden. Commence par les premiers albums de Ozzy. Puis regarde, forge-toi une nature métal, puis regarde, je pense que c'est l'occasion rêvée. Ben, totalement, écoute. Okay. Tu sais, admettons, là, t'es chez vous, mettons, t'es un petit peu plus jeune, puis ton père ou ta mère ont une belle collection de vinyles ou de CD ou peu importe, là. Va t'enfermer, là. Mets-toi juste une petite lumière, là, puis commence à regarder les pochettes, puis... Écoutez ça avec des écouteurs. Ouais. Anyway, c'est isolé, là. T'es tout seul, c'est plate, c'est triste, il fait sombre. Ben, rentre dans le métal, si, puis profite-en, là, tu sais. Ben, c'est, moi, c'est un peu comme ça que c'est arrivé, parce que de 0 à 12 ans, j'étais très malade. Puis, je pouvais rien faire, je vomissais tout le temps. Fait que j'écoutais de la musique. Puis j'ai découvert plein de bandes. Mes parents m'achetaient de la musique. Puis, tu sais, j'ai dit, achète-moi ça. Puis c'est de même que je me suis forgé toutes les connaissances musicales que j'ai. Fait que je pense que là, c'est le temps d'en profiter. Écoute de la musique. Ah oui. Puis devenez des métalleux. C'est ça qui est le plus important. Devenez oui, des métalleux. Exactement. Oui. Fait que sur cette note positive, ça va conclure ça, le retour du podcast de Boulevard Brutal. Hey, tout un retour. Écoute, j'en reviens pas quand tu m'as callé cette semaine, j'en revenais pas. Je dis, c'est vrai, faut passer à nos fans. Ils nous aiment. Faut leur donner quelque chose. Ben oui, fait qu'on va leur donner un beau petit 45 minutes. Là. Ça fait à peu près ça qu'on a, là, un beau petit 45 minutes de podcast. Vous nous donnerez vos commentaires. Évidemment, les plus habitués vont en vouloir encore et encore. On verra plus tard. T'sais. Si je suis mort dans deux semaines, je peux pas faire de podcast. Non, c'est ça. Dans le pire des cas, on pourrait peut-être voir avec la technologie si je pourrais le faire peut-être avec un hologramme. À voir. Ouais, mais pas petit comme celui de Dio, là. C'est un peu plus grand. Ouais, oui, oh, c'est ça. On sera pas cheap là, sur la qualité du projecteur. Là. C'est ça qui arrive, eux autres, c'est qu'ils ont tellement cheapé sur la qualité du projecteur, ils ont acheté un petit Chris de Epson chez Bureau en gros. À 200$. C'est ce qui fait que ça fait un tout petit Dio sur le stage. Asti que c'est lettre. Ah, écoute, moi, toutes les vidéos que j'ai vues, j'étais comme... Je peux pas croire que quelqu'un paye pour voir ça. Hey, moi, j'ai vu Dio, là. J'ai vu souvent. C'est mon chanteur préféré de tous les temps. Puis jamais je paierais une scène pour voir ça. Ah, c'est crampant. T'sais, je l'ai vu, moi aussi, le setup. J'étais comme, oh my God. Ouais. Ils ont fait une deuxième tournée récemment. Là, apparemment, il look un peu mieux. Mais encore là, il est encore tout petit. Puis tu sais, toutes les mimiques, tout le Dio qu'ils prennent, qu'ils mettent en hologramme, là, c'est un DVD qui existe en ce moment que tu peux t'acheter pour 15$. Tu sais, c'est que... Achète le DVD, Chris. C'est avec les mêmes musiciens en plus. Fait que, tu sais... Ben, c'est ça. Fait que peut-être... Mais moi, en tout cas, je vous fais une promesse. C'est que si jamais Steve advenait qu'à mourir du coronavirus, ben, si je fais un autre podcast avec son hologramme, je vous jure, je serai pas cheap sur la qualité du projecteur. Puis ça va être un Steve là, plus grand que nature. Ah oui, dans toute sa splendeur. All right, fait qu'on vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de nous écouter, puis on va se revoir une prochaine fois. Oui, écoute, puis en même temps, je voulais saluer la gang de Boulevard Rural. Oui. Qui nous ont comme copié un peu, mais je vois qu'ils font des efforts. Fait que salutations à Seb Rural et puis toute sa gang. Oui, ils sont pas pires. Ils font des efforts pour essayer de se mettre dans le game aussi. Ils ont besoin encore de petits coachings, mais regarde, ils sont quand même corrects. Ah, on est habitué. Il y en a plein qui ont voulu nous copier. Tu sais. Ouais, pas mal. All right, mon ami. Fait que portez-vous bien, puis à une prochaine fois. Yes!